Voici votre plus récente information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant que du côté des Saguenay de Chicoutimi, ils ont remporté une victoire hier de 5 à 1 sur les Cataractes de Shawinigan. Vincent Tremblay-Lapam et Zachary Laflamme ont marqué chacun deux buts. Et vendredi, ça a été une défaite contre l'Océanique de Rimouski par la marque de 3 à 2. Vladimir Kotkov et Kevin Klima ont marqué des buts pour les Saguenayens. Deux défaites pour les Huskies de Rouyn-Noranda en fin de semaine, 2 à 1 sur le Phoenix de Sherbrooke et 2 à 0 sur les Voltigeurs de Drummondville. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont gagné 4 à 2 sur les Épeliers de Sorel. Dans le match, Hugo Carpentier était le meilleur joueur des Marquis avec une production de 1 but, 2 passes. Ligue du lac au fleuve, notons que le MJR Express de Jonquière l'a emporté très facilement 9 à 1 sur Charlevoix. Michael Carillon a marqué 4 buts et Vincent Plourde de 2 buts. Ligue junior régionale, fiche de 500 pour les Sabres d'Orberval. Ils ont gagné 5 à 4 sur les Éperviers. Maxime Paul a marqué un but, une passe. Et ils ont perdu 3 à 0 sur les Marquis de Jonquière. Les Éperviers normandais, eux, ont perdu 7 à 5 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Ligue midget régionale, un seul match pour les Castors d'Odolbeau. Ils ont perdu 3 à 2 contre le Marcos Pub de Saint-Félicien. Pour le Marcos Pub, Vincent Gagnon a marqué un but et a amassé une passe. Et hier, verdict nul de 5 à 5 entre le Marcos Pub et les Aiglons. Et dans le match pour le Marcos Pub, 2 buts pour Vincent Gagnon, 1 but et une passe pour Alexis Bradette et Simon Dumas. Les ambassadeurs Chipougamau, eux, ont connu une fiche de 500. Dans la première rencontre, victoire des ambassadeurs par le compte de 3 à 0 sur les Orioles de Jonquière. Et défaite dans le deuxième match contre les Orioles de Jonquière 4 à 3. Bantam 2B, défaite des Rapides de Boumsesni 5 à 3 sur les Saguenayens de Chicoutimi. Et également deux défaites des ambassadeurs de Chipougamau, 9 à 3 et 6 à 0 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Et c'était la conclusion du tournoi Atome Pee-Wee dans le secteur de Boumsesni en fin de semaine. Les Rapides sont les grands gagnants dans la catégorie Atome 2B. Dans la catégorie B, le Rocal de Charlevoix a défait facilement Mastuyache 7 à 1 en grande finale. Et dans la catégorie Atome A, les Sabres de Roberval ont été les meilleurs sur les épreuves de Normandin. Ils l'ont emporté 4 à 1. En catégorie Pee-Wee 2B, les Sabres de Roberval ont défait l'extrême de Charlevoix 4 à 3. Et en Pee-Wee B, les Nordiques de Chipougamau. Et le lettrage Wildy, c'est une victoire en grande finale des Nordiques de Chipougamau 4 à 3. Le sport local et régional, à donaldosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.